إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on continue la deuxième partie dans l'explication de la réalité des Khawarij et يعني de qu'est-ce qui les causes, disons, de leurs égarements. Le cheikh, il expliquait avant de terminer que les Khawarij, le début de leur mal, c'est que ils sèment l'animosité et la haine dans le cœur de la population contre le dirigeant musulman et ils créent des problèmes entre le dirigeant et la population. Et ils arrivent à faire ça en prétendant vouloir ordonner le bien et interdire le mal, et en montrant qu'ils ont un sens de la jalousie pour vouloir défendre la religion, pour vouloir faire paraître la vérité, de ne pas se taire devant le mal, de ne pas se taire devant le faux, de montrer qu'ils comme s'ils essaient de dire nous on est courageux, on cache pas la vérité, on dit le haq. On veut pas se taire devant le faux et devant l'égarement, selon ce qu'ils prétendent. Et la conclusion ou la fin de qu'est-ce qu'ils font, ces gens-là, c'est de tuer les musulmans et de délaisser les idoles, les idolâtres. C'est-à-dire, ils s'attaquent aux musulmans, puis les adorateurs d'idoles, ils les laissent. Ils s'attaquent aux musulmans, aux gens de l'islam. Puis ceux qui sont en train de se prosterner devant les idoles, puis d'attaquer d'adorer les idoles, ils les laissent. Ils ne s'occupent pas d'eux. Ils ne les appellent pas à l'islam, puis ça ne les dérange pas. Ceux qui les dérangent seulement, c'est les musulmans. Les mushrikines et les kuffars, qui sont en train d'adorer des idoles, là, ça ne les dérange pas. Allah al-musta'an. Et donc, il dit le cheikh, si on regarde à travers l'histoire leurs actions et comment ils ont agi, depuis leur noyau, qui a débuté par l'exemple de Dhul Khuwaysira, comment il a agi envers le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, comme on l'a mentionné préalablement, et comment ils ont continué par la suite, on voit ça clairement. Et là, on va citer d'autres exemples. Il dit Al-Khawarij, parmi leurs signes, il dit Al-Khawarij, هم الذين ألبوا الرعاع من الرعية على عثمان بن عفان الخليفة الثالث ثم حاصروه في داره وقتلوه. Donc les Khawarij, ce sont ceux qui ont incité les faibles d'esprit et les racailles, les rapaces, à se réunir autour de la maison de Uthman, le troisième khalifa, et de l'encercler dans sa maison, puis de l'assassiner. Yani, subhanallah, à l'époque où cette chose-là s'est produite, les sahaba étaient partis dans différents endroits dans le monde musulman pour faire le djihad, pour combattre. Il restait à Médine que quelque peu d'entre les sahaba. Donc Uthman ibn Affan, il n'y avait pas beaucoup de gens qui étaient présents et il n'y avait pas beaucoup d'entre les sahaba pour le défendre. Et même que Uthman ibn Affan radiallahu anhu lui-même, il voulait éviter les effusions de sang. Donc il ne voulait pas qu'il y ait de confrontation entre les musulmans et ces gens-là, pour éviter qu'il y ait plus de fitan. Alors il a demandé aux sahaba de ne pas venir le défendre. Et comme si en voulant dire que il préférait que ce soit seulement lui la victime, que son sang coule à lui seulement, que de faire couler à cause de lui le sang de d'autres personnes avec lui. Donc c'est quelqu'un qui voyait le bien des gens, le bien de la Ummah, et qui voyait à préserver le sang des gens plus que sa propre personne. Radiallahu anhu. Après, il dit « وَهُمُ الَّذِينَ قَاتَلَهُمْ عَلِيٍ رَضِيَ عَنْهُ فِي النَّهَرَوَانِ بَعْدَ أَنَّا صَحَهُمْ وَأَرْسَلَ إِلَيْهِمْ ابْنُ عَبَّاسٍ لِمُنَاصَحَتِهِمْ وَمُنَاظَرَتِهِمْ فَرَجَعَ مَنْ رَجَعَ مِنْهُمْ » Il dit « Ce sont également ceux que Ali radiallahu anhu a combattu dans la bataille de An-Nahrawan. Après leur avoir donné la nasiha et après avoir envoyé chez eux Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu, le grand savant de cette umma, pour leur donner la nasiha et pour débattre avec eux, et on dit que 2000 d'entre eux sont revenus avec Abdullah ibn Abbas. Ils étaient 6000, il y en a 2000 qui sont revenus avec Abdullah ibn Abbas, subhanallah. Un seul homme. Mais tu vois la différence. Quand quelqu'un a du ilm, qu'est-ce qu'il peut faire comme da'wah par rapport à quelqu'un qui est jahil, ou bien par rapport à un groupe de personnes mais qui n'ont pas d'ilm. Et les sahaba, ils envoyaient toujours des gens comme qui ont du ilm pour parler aux autres et pour enseigner. Pas n'importe qui. C'est pas comme des gens comme Jamaat Tablir par exemple. Ils vont partir 20, 30, 40 personnes, tous des juhal, pas d'ilm, pour faire da'wah, soi-disant. Alors que s'il y en avait un seul alim, avec beaucoup d'ilm, pour enseigner aux gens, il peut faire qu'est-ce que 1000 tabliris peuvent pas faire. Parce que c'est des gens qui n'ont pas de base, qui n'ont pas d'ilm, qui n'ont pas étudié le fiqh, la sharia, la aqida, l'usul. C'est pour ça qu'ils veulent toujours dénigrer la science. Ils veulent toujours dire l'important c'est l'amal. L'amal, c'est pas l'ilm. Ils disaient, Iblis il avait beaucoup d'ilm. Il n'avait pas d'amal. Allahu al-musta'an. Ça ne veut pas dire qu'on dénigre l'amal. Mais, comme l'imam al-Bukhari l'a dit, al-ilm qabla al-qawli wa al-amal. La science elle vient avant la parole et avant l'action. Pourquoi? Parce que si tu n'as pas d'ilm, tu ne peux même pas savoir si ton action ou ta parole elle est valable, ou si elle est correcte ou acceptée d'Allah. Tu ne peux pas savoir si elle respecte les conditions ou non, et si elle est en accord avec le Coran ou non. Donc tu as besoin d'ilm. Si tu n'as pas d'ilm, ton adoration, tu risques de faire n'importe quoi. Comme al-mardoub alayhim, wal ad-dallin, ad-dalloun, ceux qui n'ont pas d'ilm et qui veulent adorer Allah sans ilm, alors ils s'égarent, comme les chrétiens et ceux qui leur ressemblent. Donc, ils ont des ressemblances avec les khawarij aussi, ces groupes-là. Parce qu'ils éloignent les gens des ulama. Et à cause d'eux, beaucoup de gens sont tombés dans la voie des khawarij. Parce qu'ils les gardent dans l'ignorance. Et quand ils arrivent face à face avec des khawarij, et qu'ils ne sont pas capables de comprendre ou de savoir comment leur répondre ou comment réfuter leur shubuhat, eh bien ils se font attraper facilement par ce genre d'égarement, tu vois. Allahul Musta'an. Donc on voit que Abdullah ibn Abbas, il a argumenté, il a débattu avec eux, 2000 sont revenus et les les quatre autres mille qui sont restés, ils ont tous été exterminés et combattus, écrasés par les Sahaba. Et eux, pendant cette bataille, ils n'ont même pas tué plus que deux d'entre les Sahaba. Tu vois? Donc ils n'ont rien fait. Et ils ont tous été exterminés, excepté un petit groupe d'entre eux. وهم الذين قتلوا علي بن أبي طالب رضي الله عنه حيث أغروا عبد الرحمن بن ملجم ليأثر لإخوانه الخوارج أهل النهروان الذين قاتلهم علي رضي الله عنه. Il dit, ce sont eux également qui ont tué Ali ibn Abi Talib. Donc, non seulement ils ont tué Uthman ibn Affan رضي الله عنه, le troisième khalifa, eh bien, ils ont également assassiné Ali ibn Abi Talib. Et c'est Abdurrahman ibn Muljim, qui est venu pour le tuer, pour venger ses frères parmi les Khawarij qui ont été tués pendant la bataille de Nahrawan contre Ali radiallahu anhu. Donc lui, il a voulu les venger, ceux qui ont été tués par Ali, il a voulu les venger alors. Il est venu pendant la nuit, lorsque Ali radiallahu anhu sortait pour aller à la prière, et il l'a poignardé. Il lui a donné un coup de poignard. Et deux jours plus tard, Ali radiallahu anhu est mort à cause de ça. Et on voit même l'exemple de ça, l'histoire, elle est racontée par l'imam At-Tabari dans son livre At-Tarikh. Donc il dit, An Ismail ibn Rashid قال كان من حديث ابن ملجم وأصحابه الخوارج أن ابن ملجم والبرك ابن عبد الله عبد الرحمن ابن ملجم والبرك ابن عبد الله وعمر ابن بكر التميمي وهؤلاء من رؤوس الخوارج اجتمعوا فتذكروا أمر الناس وعابوا على ولاتهم ثم ذكروا أهل النهروان الخوارج فترحموا عليهم وقالوا ما نصنع بالبقاء بعدهم ما نصنع بالبقاء بعدهم شيئا إخواننا الذين كانوا دعاة الناس لعبادة ربهم والذين كانوا لا يخافون في الله لومة لائم فلو شرينا أنفسنا فأتينا أئمة الضلال فالتمسنا قتلهم فأرحنا منهم البلاد وثأرنا بهم إخواننا هكذا تكون المجالس السرية. Donc ici regardez qu'est-ce que l'imam al-Tabari l'a mentionné de cette histoire dans son tarikh, dans son livre d'histoire, c'est-à-dire il raconte l'histoire de ce qui s'est passé à l'époque. Il dit que Ismail ibn Rashid, il a rapporté des paroles de l'histoire de Ibn Muljim, Abdurrahman ibn Muljim, et ses deux compagnons parmi les Khawarij, Al-Bark ibn Abdullah et Amr ibn Bakr al-Tamimi. Donc ces trois-là sont parmi les têtes des Khawarij. Abdurrahman ibn Muljim, celui qui a assassiné Ali radiallahu anhu. Donc il s'est réuni avec les deux autres, Bark ibn Abdullah et Amr ibn Bakr al-Tamim. Et ils ont commencé à se rappeler entre eux et mentionner les dirigeants et à commencer à les critiquer. Puis ils ont commencé à parler des Khawarij qui sont morts à Nahrawan dans la bataille contre Ali radiallahu anhu, et ils ont invoqué la miséricorde d'Allah pour eux, en disant, ah, les pauvres, qu'Allah leur fasse miséricorde, ils sont morts, nanana, et ils ont dit, qu'est-ce qu'on fait, nous on reste après eux et on fait rien, nos frères c'était eux qui appelaient les gens à l'adoration de leur Seigneur. Et c'est eux qui ne craignaient le blâme de personne, lorsqu'ils appelaient à la religion d'Allah. En voulant dire, ils ne craignaient pas le blâme dans la vérité, ils disaient la vérité et tout et tout. Donc si on vend notre âme, hein, pour les venger, et qu'on va assassiner les têtes, hein, les dirigeants de l'égarement, en parlant des dirigeants parmi les sahaba, Allah al-musta'an. Donc on va nettoyer les pays, hein, musulmans de ces gens-là, et venger nos frères. C'est comme ça qu'ils se réunissent pour parler des sahaba quand ils sont entre eux, et pour planifier des assassinats contre les sahaba, Allah al-musta'an. Alors il dit: فَقَالَ ابْنُ مُلْجِمْ أَنَا أَكْفِيكُمْ عَلِيَ ابْنُ أَبِي طَالِبٍ وَكَانَ مِنْ أَهْلِ مِصْرٍ. Donc Ibn Muljim, Abdurrahman Ibn Muljim, il vient de l'Égypte. Il dit: moi je m'occupe de Ali ibn Abi Talib pour vous. C'est moi qui vais l'assassiner. Donc vous voyez comment ces gens-là osent parler de cette façon des meilleurs des hommes après le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, hein, Khulafa ar-Rashidun. Regardez, Abdullah ibn Muljim dit, hein, moi je m'occupe de Ali, hein, je vais l'assassiner. Allah al-musta'an. Et Al-Bark ibn Abdullah, il dit: Ana akfikum Muawiyah ibn Abi Sufyan. Il dit: Al-Bark ibn Abdullah, l'autre tête des Khawarij, le compagnon de ibn Muljim, il dit: moi je m'occupe de Muawiyah ibn Abi Sufyan. Hein, c'est lui que je vais tuer. Et l'autre, Amr ibn Bakr, il dit: Ana akfikum Amr ibn al-As radiyallahu anhu. Fata'ahadu wa tawathaqu billahi, hein, la yankusu rajulun minna an sahibihi alladhi tawajjaha ilayhi hatta yaqtulahu aw yamuta dunahu. Donc ils ont pris des engagements solennels. Hein? Et ils ont juré par Allah que aucun d'entre eux n'allait, hein, se détourner de sa cible vers laquelle il se dirigeait pour le, excepté qu'il le tue ou bien qu'il se fasse tuer dans cette voie-là. Donc c'est soit qu'il tue la personne ou bien ils se font tuer en essayant de le faire. فَأَخَذُوا أَسْيَافَهُمْ فسمموها يعني طلوها بالسم واعتدوا وتواعدوا لسبع عشرة تخلو من رمضان وهكذا تكون الخوارج مجالس سرية وتآمر وقتل لأهل الإسلام. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris leurs épées. Puis ils l'ont induit de poison. Ils ont mis du poison sur leurs lames. Et hein, ils se sont préparés alors qu'il restait 17 jours pour que le Ramadan termine. Donc en plein Ramadan, yani, planifier des assassinats comme ça. Et donc c'est comme ça qu'on voit les assises secrètes, hein, cachées des Khawarij, dans lesquelles ils planifient les assassinats pour tuer les musulmans. Donc il dit: أما ابن ملجم المرادي فإنه خرج ولقي أصحابه بالكوفة وكاتمهم أمره كراهة أن يظهر شيئا من أمره ولقي امرأة من تميم الرباب يقال لها قطام ابنة الشجنة وقد قتل أبوها وأخوها يوم النهروان وكانت فائقة الجمال فلما رآها التبس بعقله ونسي حاجته التي جاء لها ثم خطبها فقالت: لا أتزوجك حتى تشفي لي. وقال: ما وما يشفيك؟ قالت: قتل علي ابن ابي طالب. Donc Ibn Muljim, il est sorti, donc il est parti vers Al-Kufa. Il a rencontré ses compagnons, puis il leur a caché son intention, de peur ou de crainte que il laisse savoir ou apparaître quelque chose de son plan. Il a rencontré une femme de Bani Tamim. Elle s'appelait Qitam ibn Shajna. Et son père et son frère, les deux, avaient été tués avec les Khawarij à la bataille de Nahrawan contre Ali radiallahu anhu. Et elle était d'une beauté, c'est-à-dire c'était une très très belle femme. Quand il l'a vue, c'est comme s'il a perdu la tête. Il a oublié même la raison pourquoi il est venu. Alors il a vu cette femme, il a demandé en mariage. Allah al-musta'an. Elle a dit, je ne vais pas te marier excepté si tu me soulages de quelque chose. Il a dit, qu'est-ce que je peux faire pour te soulager? Elle a dit, tu dois tuer Ali ibn Abi Talib. Donc on voit comment les Khawarij, même encore aujourd'hui avec les femmes, c'est toujours la même histoire. Il y a les femmes Khawarij, il y a des femmes parmi les Khawarij, il ne faut pas penser que c'est juste des hommes. Il y a des femmes parmi les Khawarij, elles sont plus extrémistes que les hommes parfois. Elles sont plus égarées dans le takfir et dans le khuruj que certains hommes. Même que certains parmi les gens sont tombés dans la bid'a des Khawarij à cause de certaines femmes. C'est arrivé à un, je pense que c'est Ibn Hattan, il a vu une femme, il voulait la marier, il pensait qu'il allait la ramener à la voie de la sunna, finalement c'est elle qui l'a fait tomber dans la voie des Khawarij. Il est devenu Khawariji à cause d'une femme. Allah al-musta'an. Et en même temps aussi, on l'a vu dans beaucoup de sociétés, en Europe et ailleurs, les femmes Khawarij, elles sont voilées de la tête aux pieds, mais elles se permettent de faire les pires perversités que personne ne peut imaginer. Comment elles rencontrent des hommes facilement, et comment elles font le zina avec des hommes facilement, sans problème. Alors qu'elle est voilée de la tête aux pieds, elle rencontre un autre takfiri comme elle sur Internet, elle chatte avec des hommes, puis elle se marie comme ça, pas de wali, pas de rien, parce que pour elle, son père est kafir, tous ses proches sont des koufars parce qu'elle a fait le takfir de toute sa famille, donc elle rencontre ce takfiri-là, il se marie comme ça, quand il est fatigué d'elle, il la divorce, et elle se remarie le lendemain, elle n'attend même pas la fin de la idda, il n'y a pas d'idda, c'est comme vraiment bizarre leur façon d'agir. Mais ça, c'est des choses réelles. On a entendu des exemples de ça, des témoignages de ce genre de comportement de la part de ces femmes-là. Et quand il y avait les Khawarij, Daesh en Irak et ailleurs, beaucoup d'entre elles sont parties comme ça, avec des hommes qu'elles ont mariés par Skype. Elles rencontrent des hommes sur Skype, elles chattent avec eux, elles se marient comme ça par Skype, puis elles s'en vont par la suite les rejoindre. Plein d'exemples comme ça, c'est des gens, en réalité, vraiment des shayatines, nasallallahu al-afiyah. Donc, on voit un exemple ici, parce qu'il n'y a aucune mention qu'il a parlé avec son wali, ou qu'il a mentionné son père, c'est comme si, en voulant dire, il l'a vu, il a demandé en mariage, puis elle a dit, si tu veux me marier, il faut que tu tues Ali, puis ça y est. Alors il a dit, قال, أما قتل علي فلا أراك ذكرته لي وأنت تريديني. قالت بلى. التمس غرته. فإن أصبت شفيت. شفيت نفسك ونفسي. ويهنئك العيش معي وإن قتلت فما عند الله خير من الدنيا وزينتها وزينة أهلها. قال فوالله ما جاء بي إلى هذا المصر إلا قتل علي فلك ما سألت. فأتى ابن ملجم رجلا من أشجع يقال له شبيب ابن بجرة فقال له هل لك في شرف الدنيا والآخرة؟ قال وما ذاك؟ قال قتل علي بن أبي طالب. قال ثقلتك أمك، لقد جئت شيئا إدا، كيف تقدر على علي؟ قال أكمن له في المسجد، فإذا خرج للصلاة الغداء شددنا عليه فقتلناه، فإن جونا شفينا أنفسنا وأدركنا ثأرنا، وإن قتلنا فما عند الله خير من الدنيا وما فيها. وهكذا خوارج هذا العصر، كمين بالمتفجرات ما أشبه الليلة بالبارحة. وقال الشبيب ويحك، لو كان غير علي لكان أهون علي، قد عرفت بلاءه في الإسلام وسابقته مع النبي صلى الله عليه وسلم، وما أجدني أنشرح لقتله. Donc, il dit par la suite que la femme, elle a mentionné, elle a dit, écoute, si tu le tues, comme ça on va être soulagé de notre peine, puis on aura notre vengeance, puis tu vas vivre avec moi. Tandis que si tu meurs, eh bien le bien qui est auprès d'Allah est meilleur que toutes les parures de cette vie d'ici-bas, ainsi que tous ceux qui sont parmi ses habitants. Il dit par Allah, il a répondu, il a dit par Allah, il n'y a rien qui m'a ramené dans cette ville excepté l'intention de tuer Ali. Alors tu auras ce que tu as demandé. Alors Ibn Muljim est allé voir un des hommes qui s'appelait Shabib Ibn Bajra, puis il lui a dit, est-ce que tu veux l'honneur de cette vie et de l'au-delà? Regardez comment il parle du meurtre d'un sahabi parmi les gens qui ont été promis par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, promis au paradis. C'est comme si le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, cet homme là il va être au paradis, donc il est un mu'min, et eux ils le déclarent kafir. C'est comme s'ils ne croient pas au hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils rejettent le hadith, ils rejettent la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comment tu peux faire le takfir d'un homme, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il va être au paradis? Ça fait même pas de sens. Allahu musta'an. Et donc, il dit, tu veux l'honneur de cette vie et de l'au-delà? Quoi? En tuant un sahabi, un des meilleurs parmi les prophètes, le premier des hommes qui a accepté l'islam, le premier, il était un enfant à l'époque, Ali radiallahu anhu. Il n'y avait personne sur terre qui était musulman, excepté le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ali radiallahu anhu, Khadija et Bilal. C'est-à-dire un esclave. Tous les autres sur terre, il n'y avait pas de mu'minine. Et après, Abu Bakr, il a accepté l'islam. Donc, c'est pour dire, comment quelqu'un qui a vécu toute sa vie dans l'islam depuis son enfance et qui a été parmi les plus proches du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait la hijra et que les gens avaient planifié de l'assassiner, Quraysh voulait le tuer, il s'est mis dans le lit du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a pris sa place dans son lit, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'en allait pour faire la hijra, il a risqué sa vie pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à combien d'occasions, et plein d'autres exemples comme ça. Puis il a fait la bataille de Badr et combien d'autres batailles parmi les batailles. Puis après, eux, ils arrivent comme ça, ils parlent de lui de cette manière. Donc, il lui a dit, est-ce que tu veux l'honneur de cette vie d'ici-bas et de l'au-delà? Il a dit, c'est quoi? De quoi tu parles? Il a dit, je veux assassiner Ali ibn Abi Talib. Il a dit, que ta mère te perde. Une expression que les Arabes disaient. Tu dis une chose grave. Comment tu peux arriver à tuer Ali, radiallahu anhu? Il dit, je vais me cacher, et quand il va sortir pour aller à la salat le matin, on va sortir tous les deux, et puis on va le tuer. Et si on est sauvé, on va soulager notre peine, et on va venger, on aura notre vengeance. Et si on est tué, le bien qui est auprès d'Allah est meilleur que la dunya et ce qu'il y a dedans. Allah al-Musta'an. Alors, c'est ainsi que les Khawarij, même à notre époque, c'est ce qu'ils font. Ils vont se faire exploser, ils vont aller tuer des musulmans comme ça parmi des innocents. Allahul Musta'an. Donc, on voit que leur voie, elle n'a pas changé. Alors, l'homme qui était avec lui, c'est Shabib, il a dit, malheur à toi. Il a dit, si c'était quelqu'un d'autre que Ali, ça aurait été plus facile pour moi, mais il dit, si j'ai su qu'est-ce que Ali a souffert dans l'islam, et comment il a été parmi les premiers qui ont suivi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, je me sens pas à l'aise de le tuer. Alors, Abdurrahman ibn Muljim, il a dit, Amma ta'lam annahu qatala ahl al-Nahrawan, al-Ubad al-Salihin, Allahu Akbar. Ma hadhihi shubha. Il dit, ne sais-tu, Abdurrahman ibn Muljim, il lui a répondu, il a dit, ne sais-tu pas qu'il a tué les gens de Nahrawan, les Khawarij? Ne sais-tu pas qu'il les a tués? Hein, des serviteurs pieux? Allah al-Musta'an, quel shubha. Alors, l'autre, il a répondu, il a dit, oui, certes. Qal, fanaqtulhu, biman qatala min ikhwanina. Fa'ajabahu. Il a dit, donc on va le tuer pour ceux qui l'ont tué de nos frères. Alors il a répondu à son appel. Il est allé avec lui. Faja'u, hein, Qutam, wa hiya fil masjid al-a'zam. Faja'u, wa Qutam, wa hiya fil masjid al-a'zam, mu'takifa. Faqalu laha, qad ajma'a رأينا على قتل علي فهؤلاء هم الخوارج أصحاب عبادة على غير علم وهدى بل هم أصحاب هوى فأخذوا أسيافهم وجلسوا مقابل السدة التي يخرج منها علي فلما خرج ضربه شبيب بالسيف فوقع سيفه بعضادة الباب أو الطاق وضربه ابن ملجم الشقي وقرنه بالسيف ومات علي رضي الله عنه متأثرا بالضربة بعد يومين وقاتله هو عبد الرحمن ابن عمر ابن ملجم المرادي. Donc, qu'est-ce qu'ils disent par la suite? Ils sont venus voir la femme qu'ils voulaient épouser, la Qutam. Elle était dans la mosquée en train de, hein, dans une retraite spirituelle, en train de prier soi-disant. Et ils sont venus la voir et lui ont dit, on est d'accord, moi et Shabib, pour tuer Ali. Hein? Donc on voit que ces gens-là, subhanallah, ils font des adorations sans aucune science, sans aucune guidance, puis ils parlent d'assassiner les sahaba, Allah musta'an. Donc c'est des gens qui suivent la passion. Et ils ont pris leur épée et se sont cachés, hein. Avant que Ali sorte pour la prière de Fajr, puis en sortant, Shabib, il a voulu le frapper avec son épée, mais il l'a pas atteint, il a frappé le bord de la porte, puis c'est Ibn Muljim qui est venu, puis qui l'a poignardé, qui l'a frappé avec son épée, et qui l'a tué. C'est-à-dire, il l'a frappé, puis il est mort de ce coup-là, deux jours plus tard, à cause de Abdurrahman Ibn Muljim. Donc on voit l'exemple de ces gens-là, yani comment ils sont acharnés pour tuer les musulmans, en particulier les sahabas, parmi les Ashra al-Mubashirin. Donc s'ils sont capables de trouver des fautes à des gens comme les sahabas, des gens qui sont promis au paradis, des gens qui ont été les premiers dans cette religion et qui ont été les premiers à accepter l'islam, ils leur trouvent des fautes et des défauts et les déclarent kuffar. Alors qui après eux sera épargné de leurs attaques et de leurs critiques? En tout cas, que ce soit d'attaquer les musulmans ou les non-musulmans, dans les deux cas c'est la même chose. Parce que d'un côté, ils savent que les pays musulmans, ils ont des ententes de paix avec les koufars, avec les pays non-musulmans. Il y a des ententes de paix entre les deux. Et donc, ils se disent probablement que en attaquant les pays non musulmans, ça crée des pressions, hein, contre les pays musulmans. ça crée des problèmes. Donc c'est probablement ça leur shubha ou leur faux argument pour essayer de justifier ça. Mais dans tous les cas, yani, que ce soit des musulmans, ça c'est sûr que ça c'est clair, leur égarement quand ils disent, quand on voit que il tue des musulmans, ça c'est clair qu'il n'y a pas de justification pour ça. Mais encore aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit « Man qatala mu'ahadan, hein? Man qatala mu'ahadan, falam yarih ra'ihat al-jannah. » Celui qui tue un kafir, un mécréant, mais qui fait partie des mu'ahadoun, ceux qui font partie d'une entente, c'est-à-dire qui sont protégés par une entente de paix, que le dirigeant musulman a signé avec les non-musulmans, il ne sentira pas l'odeur du paradis. Il ne sentira pas l'odeur du paradis. Donc ça veut dire, même ça, ils pensent qu'ils sont en train de faire un bien en tuant les kuffars, ça c'est interdit même aussi par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il y a même une menace à ce sujet-là, que celui qui le fait, il ne sentira même pas l'odeur du paradis. Et à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, j'étais en train justement d'écouter ça dans un dars d'un des mashaykh, il explique le livre de l'imam Ibn Kathir Al-Fusul fi Sirat al-Rasul, la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après la bataille de Uhud, il a envoyé 70 parmi les sahaba pour aller enseigner l'islam à des gens vers la région du Najd. Et une fois arrivé là-bas, il y a un homme qui s'appelait At-Tufayl ibn Amr, je crois. En tout cas, finalement, ils ont tous été tués, ces 70 musulmans-là. Après, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a envoyé deux hommes, excepté un d'entre eux, qui est revenu. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, en fait, il avait signé une entente de paix avec deux hommes qui avaient une protection du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, que personne ne devait les toucher. Et lui, celui qui a été sauvé, quand il les a vus, que ce n'étaient pas des musulmans, et il a pensé que c'était des ennemis, alors il les a tués. Il ne savait pas qu'ils étaient sous la protection du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et quand il est arrivé à Médine, il a raconté au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qui s'est passé, qu'il a tué ces deux hommes-là. Alors le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, je dois, à cause de ce que tu as fait, je dois payer le prix de leur sang maintenant. C'est-à-dire, je dois payer le prix de leur sang. Le prix de la diya, qu'est-ce qu'on appelle en arabe le prix du sang? C'est lorsque quelqu'un, que ce soit un musulman ou bien quelqu'un qui fait partie des gens qui ont une entente de paix avec les musulmans, tu dois payer pour son sang le prix de son sang, une diya. Et le prix de la vie d'une personne ou le prix de son sang que tu dois donner à ses héritiers, c'est la valeur de 100 chameaux. 100 chameaux, c'est une fortune. Hein? C'est une fortune. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est parti voir les juifs de Bani Nadir pour leur demander de participer et de l'aider à payer la diya de ces deux hommes. Alors que les 70 d'entre les sahabas viennent juste de se faire tuer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas dit, ah ben, puisqu'ils ont tué 70 musulmans, donc ces deux-là qui sont morts, tant pis. Hein? Non, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas dit ça. Il a dit, du moment qu'ils sont protégés par mon entente, mon engagement, et qu'ils ont été tués par un musulman, on doit maintenant leur donner le prix du sang. Subhanallah. Et il est allé demander aux juifs, parce que les juifs avaient une entente avec les musulmans, hein, ils avaient une entente avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que s'il y arrive ce genre de choses, ils doivent collaborer et aider à payer le prix de sang, eux aussi, parce qu'ils font partie des alliés des musulmans à ce moment-là. Et quand il est allé là-bas, chez Bani Nadir, pour leur demander leur aide, au lieu de l'aider, ils ont planifié pour l'assassiner à ce moment-là. Pendant qu'il était sur le bord de la muraille de la forteresse, hein, de leur forteresse, ils ont pris la roche là, le gros rocher qu'on utilise pour dans les moulins. Les juifs ont essayé de tuer Oui, tu sais les rochers qu'on utilise dans les moulins pour écraser les grains et les choses. Eh bien, cette roche-là, ils l'ont pris en haut pour le lancer sur le professeur Anselme pour le tuer, pendant qu'il est venu pour leur demander leur aide. Alors, c'était ça qui a été la cause, justement, de la guerre contre Bani Nadir. Parce qu'ils ont brisé leur engagement de paix avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. En tout cas, tout ça pour dire que c'était à cause, donc, de ces deux hommes-là qui étaient à l'origine. Hein? Et plusieurs fois, les juifs ont essayé de tuer le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. C'est pas juste cette fois-là, mais c'était une des fois qu'ils ont essayé de le tuer, de l'assassiner, puis de trahir leur engagement. Mais tout ça pour dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il respectait toujours son engagement et sa parole. Et le fait de tuer quelqu'un avec qui le dirigeant musulman a une entente de paix, ça fait partie de ce qui vient briser la parole et l'engagement, et c'est une sorte de trahison. C'est une forme de yani, radra, hein? On dit al-radar. En arabe, al-radar, c'est une trahison, le fait de trahir ta parole. Et ça fait partie des kaba'ir. Kaba'ir al-dhunub, un des plus grands parmi les grands péchés. Donc c'est très très grave. Et ensuite, le cheikh, il dit al-khawarij, la yandamuna ala af'alihim al-khabitha, bal yaftakhirun wa yatabajjahun. Donc, il dit que les Khawarij, ils n'ont jamais des remords de leurs actions mauvaises qu'ils font. Au contraire, ils se vantent de ça. Hein? Et ils considèrent que ça, c'est un rapprochement vers Allah. Ils se rapprochent d'Allah en faisant ça. Allah musta'an. Et il donne des exemples donc, de certaines poésies dans lesquelles ils se vantent d'avoir assassiné, d'avoir tué des sahaba et des choses comme ça. Allah musta'an. Après, il dit وَهَذَا وَمَا كَانَ مِنْ شَأْنِ ابْنِ مُلْجِمْ مَعَ عَلِي هَذَا مَا كَانَ مِنْ شَأْنِ ابْنِ مُلْجِمْ مَعَ عَلِي أَمَّا صَاحِبُهُ الَّذِي عَهَدَهُ عَلَى قَتْلِ مُعَاوِيَةَ الْبَرْكِ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ فَإِنَّهُ قَعَدَ لِمُعَاوِيَةَ فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ الَّتِي ضُرِبَ فِيهَا عَلِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَلَمَّا خَرَجَ لِيُصَلِّي الْغَدَا شد عليه بسيفه فوقع السيف في إليته فنجا معاوية وأمر بالبرك ابن عبد الله فقتل. En ce qui concerne son compagnon, compagnon d'Ibn Muljim, hein, il avait pris l'engagement de tuer Muawiya. Il avait pris l'engagement de tuer Muawiya, radiyallahu anhu. Alors, la nuit, le même soir que Ali radiallahu anhu a été assassiné, lui, il était en train de planifier l'assassinat de Muawiya. Donc, il s'est caché, puis, quand Muawiya est sorti pour aller faire la prière le matin, il l'a attaqué avec son épée, mais il l'a manqué. Il n'a pas été capable de le tuer, et Muawiya a été sauvé. Alors, il a ordonné que Al-Bark ibn Abdullah soit tué, hein, soit exécuté. Donc lui, il a manqué son coup, alhamdulillah, et c'est lui qui est mort. Amma al-thalith, fa Amr ibn Bakr, fa jalasa li Amr ibn al-As, tilka al-layla, fa lam yakhruj, hein, wa kana ishtaka batnahu, fa amara kharija ibn Hudhafa, wa kana sahibu shurtatihi, وكان من بني عامر ابن لؤي فخرج ليصلي فشد عليه عمرو بن بكر وهو يرى انه عمرو بن العاص فضربه فقتله فاخذه الناس فانطلقوا به الى عمرو بن العاص يسلمون عليه بالاماره او بالامره فقال عمرو بن بكر من هذا قالوا عمرو بن العاص قال فمن قتلت قالوا خارجة ابن حذافة قال عمرو بن بكر أما والله يا فاسق ما ظننته غيرك فقال عمرو بن العاص أردتني وأراد الله خارجة فقدمه عمرو فقتله انتهى كلامه. Donc en ce qui concerne le troisième, Amr ibn Bark, Et il s'est caché lui aussi pour assassiner, wa alaykoum salam, pour tuer Amr ibn al-As. Un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, radiyallahu anhu. Dans cette nuit-là, la même nuit encore. Alors, Amr ibn al-As, il avait un mal de ventre. Donc, il n'est pas sorti pour faire la prière le matin. Et il a ordonné que son majordome, ou quelqu'un qui... Parce que lui, c'était l'amir de la ville, Amr ibn al-As. Donc, il a ordonné un de ses responsables, un de ses proches, d'aller faire diriger la prière à sa place, ce matin-là. Alors, il s'appelait Hadafa. Et il est parti, donc il est sorti le matin pour aller prier. Puis Amr ibn Bakr, il est sorti, puis quand il l'a vu, il l'a frappé avec son épée, puis il l'a tué. Alors quand les gens ont vu ça, tout le monde sont venus pour l'attraper. Et ils l'ont amené à Amr ibn al-As. Alors quand il est arrivé devant Amr ibn al-As, ils ont vu que les gens ont salué Amr ibn al-As comme si c'était lui l'amir. Alors Amr ibn Bakr, le Khariji, il a dit, c'est qui lui? Ils ont dit, ça c'est Amr ibn al-As. Il a dit, alors c'est qui est-ce que celui que j'ai tué, c'était qui? Alors il a dit, c'est Hadafa, Kharija ibn Hadafa. Pardon, c'est Kharija, il s'appelait. Kharija ibn Hadafa. Alors Amr ibn Bakr, le Khariji, il a dit, par Allah, ô pervers, il parle à Amr ibn al-As. Il dit, je jure par Allah, ô toi le fasiq, ô toi pervers, je pensais que c'était personne d'autre que toi que j'avais tué. Alors Amr ibn al-As, il lui a répondu, il a dit, tu me voulais moi, mais Allah a voulu que ce soit Kharija. Alors il l'a avancé et il l'a exécuté. Il l'a exécuté. Donc pour dire comment, à Allah al-Musta'an, comment ces Khawarij sont acharnés à vouloir assassiner les musulmans et les meilleurs d'entre eux, Allah al-Musta'an. Il dit, وهكذا هم الخوارج يعيثون في الأرض فسادا فيستحلون دماء المسلمين بأهوائهم وعقولهم وقد وقفوا في وجه سيد ولد آدم وأنكروا عليه القسمة نبي الرحمة والهدى ذو العبادة والتقى والخلق الحسن البشير النذير المغفور له من العالمين فقال تعالى إنك لا على خلق عظيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. Donc il dit le cheikh, voici comment les khawarij agissent. Ils sèment le désordre sur terre et ils rendent licite le sang des musulmans en se basant sur leurs passions, en se basant sur leur raison, ce qu'ils prétendent être de la raison. Et ils ont même osé critiquer la distribution du butin que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait, alors que c'est le prophète de la miséricorde, de la guidance, celui qui était dans l'adoration et la piété, qui avait le bon comportement, qui est un annonciateur de bonnes nouvelles et un avertisseur, et celui dont Allah a pardonné tous les péchés, comme Allah il le mentionne dans plusieurs versets du Coran. Il dit, وَقَتَلُوا عُثْمَانَ ابْنَ عَفَّانَ ذُو النُّورَيْنَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سِهْرُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أحد السابقين الأولين إلى الإسلام وثالث الخلفاء الراشدين من العشرة المبشرين بالجنة رجل تستحي منه الملائكة أخرج مسلم وابن حبان وغيرهما من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة. Donc ils ont tué Uthman ibn Affan, celui qui a été surnommé Dhun-Nurayn. Et la raison pourquoi on l'a appelé Dhun-Nurayn, il a épousé une fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ruqayya. Et quand elle est décédée, radiyallahu anha, il a épousé une autre fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Umm Kulthum. Donc on dit c'est le seul homme qui a épousé deux filles d'un prophète. Il n'y a personne d'autre parmi les hommes qui a épousé deux filles d'un prophète. Radiallahu anhu. Donc c'était le beau-fils du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, un des premiers à avoir accepté l'islam parmi les musulmans. Hein? Parce que quand Abu Bakr radiallahu anhu a accepté l'islam, il est parti, il a ramené avec lui un groupe qui se sont tous convertis. Et ceux-là sont parmi les meilleurs musulmans que la Umma a connus. Et parmi eux, il y avait Uthman ibn Affan radiallahu anhu. Et donc c'est un des premiers à avoir accepté l'islam, le troisième parmi les successeurs du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les Khulafa al-Rashidin, et un des 10 auxquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait promis le paradis. Et c'est un ange comme c'est un homme comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit, les anges sont timides en sa présence, hein, sont gênés de lui. Les anges sont gênés de lui, subhanallah, à cause de sa pudeur, hein. Et donc, Aïcha radiallahu anha, elle a dit, hein, parce que je pense que c'est dans le hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était assis avec les compagnons et il y avait une partie de sa cuisse qui apparaissait. Il était avec Abu Bakr, est rentré, il est resté comme ça. Omar est rentré, il est resté comme ça. Et quand Othman est rentré, il a couvert, hein, un petit peu sa cuisse comme ça. Et Aïcha radiallahu anha, elle a posé la question, oh messager d'Allah, pourquoi t'as fait ça quand Othman est rentré? Il a dit, n'est-ce pas que je devrais être gêné d'un homme dont les anges sont gênés de lui, hein, à cause de sa pudeur et de sa timidité. Et il dit, wa akhraj al-Bukhari wa ghayru min hadithi Abi Abdurrahman Sulami أن عثمان رضي الله عنه حيث حوصر أشرف عليهم وقال أن أنشدكم الله لا أنشد إلا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ألستم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حفر رومة فله الجنة فحفرتها ألستم تعلمون أنه قال من جهز جيش العسرة فله الجنة فجهزته قال فصدقوه بما قال. Quand les Khawarij sont venus pour l'encercler à Médine, hein, Othman radiallahu anhu, il leur a dit, je vous demande par Allah, et je demande seulement à ceux d'entre vous qui sont les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, hein, de témoigner. N'est-ce pas que vous savez que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait dit, celui qui creuse pour moi le puits, hein, Bi'r al-Ruma, il aura le paradis, et moi je l'ai fait creuser, hein. Et n'est-ce pas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit, celui qui équipe, hein, qui paie pour équiper l'armée al-Usra, Jaysh al-Usra, il aura le paradis. Il dit, c'est moi-même qui a dépensé de mon propre argent pour équiper tous les combattants de cette armée-là. Il a payé pour eux, pour les armes, pour les boucliers et tous les équipements pour le soldat, du début, toute l'armée au complet, de son argent à lui, radiallahu anhu. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit, celui qui fait ça, il aura le paradis. Donc ça, c'est tout ça, c'est des exemples des mérites de Uthman radiallahu anhu. Et malgré tout ça, hein, eux ils le déclarent kafir, Allah musta'an. وعن أبي موسى الأشعري قال جاء رجل آخر استأذن فسكت هنيهة ثم قال ائذن له وبشره بالجنة على بلوى ستصيبه فإذا عثمان بن عفان. Il dit, un hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim et d'autres également, que selon Abu Musa al-Ash'ari, il dit, il y a un homme qui est venu, il a demandé la permission pour rentrer chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors il est resté silencieux un petit moment, puis il a dit, permets-lui d'entrer et annonce-lui le paradis pour un malheur qui va l'atteindre. Pour un malheur qui va l'atteindre. Hein? Donc c'est comme si le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait déjà prédit qu'il allait subir un malheur comme ça, que ça allait lui arriver et qu'il aurait le paradis pour ça. Radiallahu anhu. Wal khawarij هم الذين قتلوا علي رضي الله عنه وهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وسهره وأول من أسلم من الصبيان ومن العشرة المبشرين بالجنة ورابع الخلفاء الراشدين علي رضي الله عنه سبحان الله ils ont voulu ils l'ont assassiné. C'est le cousin du prophète صلى الله عليه وسلم et c'est son beau-fils. Il a épousé sa fille, Fatima, radiyallahu anha. Et c'est le premier d'entre les enfants qui s'est converti à l'islam. Hein? Il fait partie des 10 à qui on a promis le paradis. Et il est le 4e des khulafar rachidin. Et malgré tout, ils se sont permis de l'assassiner de cette façon. Akhraj al-Bukhari wa ghayru an Salama, radiyallahu anha. أو عن سلمة فصي صحابي سلمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أعطين الراية أو لا يأخذن الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله أو قال يحب الله ورسوله يفتح الله عليه فإذا نحن بعلي فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم الراية ففتح الله عليه. C'est un hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim, selon Salama, qui a dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, demain, je vais donner la bannière, ou je vais donner la bannière demain à un homme que Allah et son messager aiment, ou bien qui aime Allah et son messager, et Allah va lui donner la victoire. Et le lendemain, les sahabes ont dit, tout le monde espérait que ce soit à lui qu'on donne la bannière. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est à Ali radiallahu anhu qu'il l'a donné. Et Allah lui a donné la victoire. Donc c'est pour dire, les mérites de ces hommes-là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, selon Al-Bara ibn Azib, il dit, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي أنت مني وأنا منك. Il dit, je suis une partie de toi et tu es une partie de moi. Subhanallah. وهم الذين نصبوا لمعاوية ابن أبي سفيان صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكاتبه للوحي. Ils ont également détesté معاوية رضي الله عنه ابن أبي سفيان رضي الله عنه. Et ben سبحان الله, c'est un des compagnons du prophète صلى الله عليه وسلم. Celui qui écrivait la révélation du Coran, il était un des scribes qui écrivait la révélation pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit an Abdurrahman ibn Abi Umayra wa kana min ashabi Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qala li Muawiyah Allahumma ij'alhu hadiyan mahdiyan wahdi bihi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait des invocations pour Muawiyah. Il a dit, oh Allah, fais de lui quelqu'un qui guide, et qui est bien guidé, et guide les gens par lui. Fais qu'il soit une source de guidance pour les autres aussi. Donc, subhanallah, il dit, هم الذين خططوا لقتل عمر بن العاص فقتلوا بدلا عنه رجلا مؤمنا بريئا ايضا كان يصلي بالناس مكان عمر بن العاص الذي أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد والترمذي وغيرهما من حديث عقبة ابن عامر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أسلم الناس وآمنوا يعني عمرو بن العاص. Ils disent, ils ont voulu même tuer Amr ibn al-As. À sa place, ils ont tué un autre homme innocent, croyant, qui allait prier à la place de Amr ibn al-As, Kharija. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait les éloges de Amr ibn al-As. Et il mentionne dans un hadith rapporté par l'imam Ahmad et At-Tirmidhi et d'autres également, le hadith de Uqba ibn Amir, dans lequel il dit: j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui disait: la personne la plus saine, la plus de confiance, c'est Amr ibn al-As. Subhanallah. فإذا كان هذا حال الخوارج الأوائل مع سادة الأمة وأشرافها بل مع أشرف الخلق على الإطلاق صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم لم تعجب أو لم تعجب ولم ترضى ذو الخويسرة قسمة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرضى الرعاع عن عثمان بن عفان بل ألبوا عليه الناس حتى قتل لم يرضي ابن ملجم وأعوانه ولاية علي ابن أبي طالب حتى قتله ولم يرضي البرك وأتباعه بمعاوية ورموه بالفسق وحاول قتله فأسلمه الله لم يرضي عمرو بن بكر بعمرو بن العاص الفاتح المجاهد الصحابي الجليل وقد حاول جاهدا قتله فأخطأه فإذا الخوارج لم يرضوا بعدالة الصدر الأول فهل أحد يظن أن سلامتهم خوارج أن سلالتهم خوارج هذا العصر يرضون بمن هو دونهم في الفضل والعلم من حكام زماننا؟ الجواب: لا يحتاج إلى بحث ولا تفتيش في الكتب ولا تقليب النظر، ولا يظن أحد أن فكر الخوارج وعقيدتهم اندثرت وزالت من عهد علي وأصحابه، لا رضي الله عنهم، لا، بل هم يتناسلون إلى آخر الزمان. Donc le cheikh il dit, si vous voyez comment les khawarij des premières générations et de la première génération de cette umma les plus nobles et même la meilleure des créatures, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils n'ont pas été satisfaits de lui comme Dhul Khuwaysira, et ils n'ont pas été satisfaits de Uthman ibn Affan radiallahu anhu, ils ont incité les gens contre lui jusqu'à ce qu'il soit tué, et de même que Ibn Muljim n'a pas, et ses collaborateurs, ils n'ont pas été satisfaits de Ali radiallahu anhu jusqu'à ce qu'il le tue, et également la même chose pour Al-Bark qui ont essayé de tuer Muawiyah et qui l'ont insulté et accusé de perversité, et ils ont essayé de le tuer mais Allah l'a sauvé, et la même chose pour Amr ibn Bark, qui a essayé de tuer Amr ibn al-As, le grand victorieux, le grand mujahid, le grand sahabi noble. Ils ont essayé de le tuer mais ils ont raté leur coup. Et donc si les khawarij n'ont pas été satisfaits de la justice de la première génération de l'islam, est-ce que quelqu'un pense qu'ils seront satisfaits aujourd'hui? Les khawarij d'aujourd'hui, ils vont être satisfaits de nos dirigeants aujourd'hui? Même si c'est, il y en a aucun des dirigeants d'aujourd'hui qui pourra jamais égaler la justice et la piété des sahaba. Jamais. Donc, si c'est le cas, donc comment quelqu'un pourrait s'imaginer que si eux, ils n'ont pas été satisfaits des premiers, comment ils pourraient être satisfaits d'un d'entre les musulmans de notre époque, qu'ils soient dirigeants ou non? Donc, le cheikh, il dit, la réponse, elle ne nécessite pas beaucoup de recherche, beaucoup de recherche dans les livres ou de rechercher dans les d'analyse ou des choses comme ça. Il dit parce qu'en réalité, celui qui regarde la aqida des khawarij, il va comprendre que les khawarij, peu importe l'époque, ils se succèdent les générations après génération et ils héritent de la même méthodologie à chaque génération. C'est jusqu'à la fin des temps, ils vont rester toujours sur cette voie-là. Et tu le vois ça aujourd'hui. Allah al-Musta'an. Et il y a des hadiths dans ce sens-là, de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui mentionne ici, comme c'est rapporté dans le hadith de Abi Barza, رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزالون يخرجون حتى يخرج آخرهم. Ils vont continuer, hein? Abi Barza, il a dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, ils vont continuer à sortir jusqu'à ce que le dernier d'entre eux apparaisse ou sorte. Et dans une autre narration, il dit حَتَّى يَخْرُجْ آخِرُهُمْ مَعَ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ. C'est-à-dire que jusqu'à ce que le dernier d'entre eux, hein, parce que Ibn Abi Shayba, il a rapporté ça, et Al-Bazzar, ainsi que Al-Nasa'i dans Sunan Al-Kubra, il a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ils vont continuer à sortir et à apparaître jusqu'à ce que les derniers d'entre eux soient avec le Dajjal. Les derniers d'entre eux, ils vont suivre le Dajjal, hein, contre les musulmans. Donc il ne faut pas s'étonner, hein. Il y en a qui pensent non, les Khawarij c'est fini, ça n'existe plus, hein. Surtout les Khawarij eux-mêmes, c'est eux qui aiment dire ça, les takfiriens à notre époque, hein? Non, les Khawarij c'est fini, il n'y en a plus maintenant. Allah al-Musta'an. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il y en aura vers la fin des temps qu'ils vont sortir surtout. Et il y en aura toujours qui vont apparaître. Quand un groupe il s'en va, un autre groupe apparaît après eux. Donc je crois qu'on va s'arrêter pour aujourd'hui ici. Puis demain, Inch'Allah, on va continuer l'explication de ces différentes choses au sujet de ces gens que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a désignés comme étant les chiens de l'enfer. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وفيك بارك. Vous avez quelques questions ou des points, non, à clarifier? J'ai une question juste, il y a mis la référence concernant Amr ibn al-As c'est rapporté par l'imam Ahmad et At-Tirmidhi et d'autres également. Et c'est Uqba ibn Amir radiyallahu anhu. Wa fika barak. Question? Oui. Et c'est qui le nom de la personne qui voulait tuer Muawiya? Muawiya, c'est Abdullah ibn, si je me rappelle. Oui, c'était Bark ibn Abdillah. Oui, c'est ça. Bark ibn Abdillah. À chaque fois, je l'inverse. Il dit Abdullah ibn Bark. Non, c'est Al-Bark ibn Abdillah. Et l'autre qui voulait tuer Amr ibn al-As, c'est Amr ibn Bakr. Allahu al-Musta'an. Donc, c'est ça. On continuera demain, Inch'Allah, avec d'autres détails. Et d'autres explications, Inch'Allah. Le hadith que je connais à propos des Khawarij et qu'ils vont revenir à la fin des temps, ça ne mentionne pas le nombre de saints. Qu'est-ce que je connais par rapport au nombre de saints? C'est celui que dans le hadith rapporté par Abu Daoud, dans lequel il mentionne que à chaque 100 ans, Allah va faire venir un homme qui va revivifier la religion. Oui, qui va ramener la religion à sa forme originelle. Un réformateur, si on veut. Donc, ça, c'est ce que je me souviens. En ce qui concerne les Khawarij, ils vont revenir. Est-ce qu'il y a un hadith qui mentionne? Il ne mentionne pas 100 ans, il mentionne Al-Qarn. Mais Al-Qarn, ce n'est pas dans le sens de la génération, comme dans certaines narrations. Ici, on parle de Al-Qarn dans le sens des cornes. Hein? Peut-être même que ça, en français, ça vient de l'arabe, le terme, peut-être. parce que c'est le même, presque le même son, les cornes. Qarn bayna qarn, yani c'est les cornes. Donc chaque fois qu'une des cornes des Khawarij va sortir, elle sera coupée. Elle sera coupée jusqu'à ce que les derniers d'entre eux sortent avec le Dajjal. Donc ils vont suivre le Dajjal, sallallahu alayhi wa sallam. Oui, ça c'est mentionné dans Sahih al-Bukhari et Muslim. C'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait annoncé que, il avait mentionné que parmi les musulmans, il allait avoir un groupe qui allait combattre, il allait avoir une fitna entre les musulmans, puis qu'il allait avoir deux groupes qui allaient se combattre, puis que les musulmans allaient combattre les Khawarij. Et qu'il a dit, il a mentionné aussi que parmi eux, il allait avoir un homme qui a un bras coupé, et sur le bout de son bras, il y avait comme une tétine qui ressemble au sein d'une femme. Hein? Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait annoncé ça. Et donc, Ali radiallahu anhu, quand il a combattu avec les sahaba contre les Khawarij, il a demandé aux sahaba de chercher pour cet homme. Il a dit, parmi les morts, cherchez un homme dont le bras est coupé et qui a un bout comme un sein. Alors ils l'ont cherché, ils ont dit, on a cherché partout, on l'a pas trouvé. Il a dit, retournez chercher, c'est sûr qu'il doit être là. Et finalement ils l'ont trouvé, il était en dessous d'une pile de plusieurs hommes qui étaient un par-dessus l'autre, qui étaient tombés. Donc ils l'ont trouvé en dessous. Et puis effectivement ils ont trouvé son bras est décrit comme il était, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'avait décrit dans le hadith. Alors Ali radiallahu anhu, il était très très content de ça, parce que il a vu que ça confirmait que c'était lui qui était sur la bonne position et que il avait bien fait. Donc Allah lui a donné le succès de combattre ces gens-là et que c'était un combat véridique. Hein? Non. On fait qu'à barque.